Activité 15. 1. Après la pluie et les températures basses, enfin 18 degrés à Paris. 2. N'oubliez pas votre manteau, votre écharpe et vos gants. Seulement 4 degrés à Lille. 3. Aujourd'hui, un climat agréable avec 15 degrés à Paris, 19 degrés à Lyon et 23 degrés à Bordeaux.